comment tu craches, tu t'avales. Tu tires ou tu cavales. Je rentre avec ma team dans Marseille, j'entends mon sang à balle. Tu viens me voir, qu'est-ce qui t'emmène? Mais sur une marée, ma mère. Jaloux, tu peux parler, viens me voir en face, je t'ai mis ta mère. Bon, je sais du grand bord, pour ça j'ai fumé tant d'herbe. Le petit Joe l'a grandi, pour les MC c'est dans l'air. Voilà, rue, je la côtoie, tu vois, je parle souvent d'elle. Ça trouve des armes sur le toit, ça donne des gros d'un cartel. La misère sur le bout des doigts, je fais des sons, je m'écarte. Ça fait des films, ça parle encore d'un peu comme dans les cartels. Tu dis t'aimes pas les critiqueurs, mais toi tu parles, tu fais pareil. Tu donnes rien, après tu te plains quand on voit pas la pareille. Si tu vises pour tuer, tu pour ton arme sans règle. Car tu peux finir pour venir au royaume des rois sans règne. Il me finit, je m'emballe. Je leur mets un guidon dans le guidon dans le. T'en essaies pas de me charmer, j'ai vu ton boule, t'es chargé. Toi c'est facile de t'avoir, mais difficile de te garder. Me tester mais qui veut, que sur lui je me vide. Personne me croit, j'ai vu des signes, heureusement que Dieu me guide. Le texte ça se corse, les petits montent en force. Mon Dieu on est en bombe, puis à celui qui nous amorce. J'en ai marre, que le fils d'up, je n'aime pas voir des amis qui se tapent. Quand ça pète tout le monde pleure, ouais mais qui stop. Flow aiguisé, mais qui c'est, qui veut glisser. À force de viser la lune, j'finis par avoir les yeux plissés. Faut des flouses, le flouze, je reste celui qui tape. Mais aussi ceux qui pour manger sortent le 12, le mousse. Doucement, tu fumes trop, tu tousses, man. Quand y'a des liasses en jeu, j'peux te dire que beaucoup se manquent. Beaucoup se manquent, humains on les tous, man. Ici les problèmes on les enterre pas, on les étouffe, man. Elle, elle fait la propre, elle s'arrache même pas la touffe. Lui il fait le fou parce qu'il a mis le nez dans la chenouf. On va me prendre pour un ouf si je laisse pousser la touffe. J'suis pas numéro 1, moi j'te laisse soulever la coupe. J'crache pas dans la soupe, j'prendrai pas ton dû. J'voyage dans la soupe, comprends pourquoi j'suis tendu. Personne s'y attendait, ah oui attendez. Le manager m'a dit tu vas tous les faire bander. Et j'en place une pour Gilles et ses assos en cellule. Il est papa. Allez. Pour Barbas, c'est street life, ton poteau tu simules. Marseille c'est agressif, y'a du sang sur la chignole. Viens dans le check, y'a des têtes plus françaises que dans les guignols. J'suis plein d'idéaux, j'compte bien viséo. Pour me descendre, ces fils de pute font des montages vidéo. Tu voulais ta punchline? Begenchla, c'est pour les frères dans le maquis jusqu'aux montagnes de Henchla. Et les amants de mes gorges, coup d'état à la Georges. Au check, y'a pas d'arbitre, ça se fait des tacles à la gorge. J'connais des poteaux recherchés par la ATN. Pour du shit, des ADN, des gros bandeurs de KTM. Ne marronne pas quand je danse dans mes clips, ta sœur kiffe. Chez moi, c'est un exemple, pour mieux que dis averti. J'pense surtout reggaeton, house, dirty. Les petits écoutent sur le crossbow, les torse nus en dirty. On trahit pas un vatos, demande à Wally Derbel ou à Daf Daf. Si tu m'insultes, tu vas te prendre un perfect. Fais gaffe, on m'a dit, calcule rien, fais ta vie. Quand t'as du buzz, les gens veulent te font passer pour des bandits. Ça rend un bandit, moi je t'aime bien, t'en dis. Que toi tu me fais passer pour un autre, tu fais que mentir. Tous les dangers, les MC d'un bagne. J'parle pas, mais j'en veux, ouais, demande à mal. Moi je fuck les indics et les gens qui parlent sur le net. La vie c'est comme un match, c'est une occasion, faut la mettre. Tu veux savoir pourquoi je suis blanche, taf, la nuit je dors pas. J'ai laissé un gilet méchant, mais t'inquiète, je mords pas. J'aime bien quand je suis en buvette, posé devant la demi-lune. Tu me connais, donne-moi ce qu'il faut, je te fais une prod dans 5 minutes. C'est pour Chico, sans faire le vito. Ne le cherche pas ou il pète une Chico. Et vas-y, fais les sims, tu fais partie de la team Doul. Tu veux me clash, t'es un corps de York avec une tête de pitbull. Pitbull. C'est la crise au mic, mec. Alors, on tape beaucoup sur le net, hein. À ce que je vois. Et devant, ça dit rien? Non, vous me reconnaissez pas. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Maillot tout blanc. Je taffe la nuit, je dors pas. Kiffer, vous savez qui, hein? Hein? Vous êtes jaloux que ça écoute à gauche et à droite, hein? Hein? Tu sors de chez toi, tu entends Joule. Tu te lèves, tu entends Joule. Tu t'endors, tu entends Joule. C'est vrai, c'est vrai. Je vous pardonne tous. C'est la crise au mic, mec. Et sans oublier, bien sûr. Une petite dédicace à ma team Joule, bien sûr. Hein? Les gens qui me soutiennent, ceux qui me suivent de partout. En France, dans les pays d'à côté. Un gros remerciement pour vous. Ça me fait plaisir. J'aime les gens qui me soutiennent. Je vous lâcherai pas. Ça la crie, mec. Voilà, tu le sens, tu. On va tout niquer dehors, on a pas brûlé.